Chapitre 6e. Le capitaine et le docteur étaient convenus de se retrouver le 15 et le 30 de chaque mois à déjeuner pour se communiquer le résultat de leur démarche. Cette fois, le docteur traitait son inséparable. Quand ils furent commodément installés entre une tasse de café et un verre de fine champagne, la parole fut donnée à l'empereur qui disposa devant lui quelques notes écrites et des découpures de journaux. « À Saint-Cyr, commença-t-il, nous avions l'habitude... »« Mais, interrompit le docteur, tu as donc passé par l'école ?»« Personnellement, non. »« Seulement, tous mes camarades s'en sortaient et ils m'ont appris les traditions. »« C'est la même chose. »« Parfaitement. »« Donc, nous avions l'habitude d'énoncer le problème avant d'aller au tableau. »« Tu permets que j'énonce ?»« Je t'en prie. » »« Trois coqs vivaient à part, une poule sur 20, et voilà l'union assurée. » Pendant 15 ans, ce furent trois têtes dans le même... mettons, bonnet. La poule s'en va un matin et les trois coqs sont séparés de nouveau. Comment rétablir l'entente? Parbleu, nous l'avons dit, en remplaçant par une autre la poule disparue. J'aime assez ta comparaison. Des coqs, c'est flatteur pour nous. Le problème posé, passons aux opérations. Il s'agit de trouver une femme qui plaise assez à Pépin pour qu'il renonce à ses idées de fidélité après décès. Nous connaissons ses goûts de bonne administration et de, soyons polis, d'économie. Il faut donc que cette femme soit ordonnée, sérieuse, par conséquent d'un certain âge. Une jeune fille ne ferait pas l'affaire. Trop naïve, elle serait capable de s'attacher à lui. Trop vibrante, nous verrions entre nous une créature agitée, coquette, évaporée, plus faite pour des gigolos que pour les gens rassis que nous sommes. Et puis... je ne sais pas si Pépin sera de taille, maintenant, à frayer dans une forêt vierge un chemin pour trois personnes. Diable, c'est vrai. Et nous ne tenons pas nous-mêmes. Pas du tout. Alors nous écartons la jeune fille. Écartons, écartons. Ceci établi, comme nous répudions la vieille fille, avec horreur, nous sommes obligés de nous rabattre sur une veuve ou une divorcée. Oh oh! On n'est jamais bien sûr d'une divorcée. Nous voulons une femme honnête, qui ne soit qu'à nous trois. C'est mon avis. Alors, une veuve. Une veuve dans une situation modeste. Car Pépin ne saurait être aimé pour lui-même et il est nécessaire que ses 80 000 livres de rente soient un appât irrésistible. Nous choisissons une femme tranquille, qui ne tiendra pas à sortir, à faire la fête, qui n'aura pas de relations personnelles gênantes, et qui s'estimera heureuse de vivre dans le calme de notre foyer. Assez bien posée pour être épousable, assez tendre et bien constituée pour juger Pépin insuffisant. Et à ce propos, voici ce que je pense. Avec Élisabeth, nous avons dû établir un siège en règle. La place s'est vite rendue, j'en conviens, mais il est inutile de perdre du temps cette fois-ci. Si tu m'en crois, nous dicterons nos conditions à l'avance. C'est peut-être un peu raide. Adroitement, bien entendu, je m'en charge. Nous lui donnons une fortune, après tout, à cette femme, et c'est la seule rémunération que nous exigeons pour nos peines. Elle peut bien nous payer ça, d'autant plus que nous ne lui prenons que ce qu'elle a sur elle. Ça ne sera pas commode malgré tout, sais-tu, pour Pépin comme pour nous-mêmes. Et c'est bien le moins que nous devions à la mémoire de notre pauvre ami. Il y aurait de grandes chances de réussite si cette personne était de la même taille, du même âge. Si ses traits rappelaient ceux d'Élisabeth. Il n'est pas défendu de supposer que la ressemblance physique engendre la ressemblance morale. Mais comment découvrir? Je ne vois pas le moyen. Le moyen, je l'ai trouvé, moi. Car la même idée m'est venue. D'abord, c'est nécessaire pour décider Pépin. Nous avons la photographie d'Élisabeth sortant de la mer à Houlgate, dans un costume de bain, qui donne déjà des indications précieuses. J'ai remis cette photographie anonyme au bureau d'un journal dans lequel j'ai fait insérer cette annonce. Numéro 45614. Monsieur Riche, d'extérieur agréable, épouserait veuve peu fortunée de 30 à 35 ans, jolie, bien faite, aimable, réputation intacte, pour vivre de foyer en compagnie quelques intimes distingués. Indispensable ressembler à photographie qui sera communiquée au bureau du journal. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Épatant. Tu as peut-être exagéré en mettant d'extérieur agréable. Tu es drôle. Pépin est plutôt bel homme, il est notre ami, ce n'est pas une raison pour lui refuser. Moi, il ne me plairait pas si j'étais femme. ce n'est pas toi qui l'épouses, et puis ça ne coûtait pas plus cher. Le tout fait 6 lignes, en abrégé. L'annonce apparut 2 fois, tu me dois 18 francs pour ta part. À la caisse, l'employé donne mon adresse et c'est moi qui examine les candidates. Polisson, il en est venu? Oui, rien de convenable. J'en attends une à 3 heures. J'ai dit à Flora de nous l'envoyer ici. C'est dans 5 minutes. Nous allons l'étudier ensemble. Si elle nous paraît bien, nous la présentons un jour à Pépin à déjeuner. Chez lui? Chez toi ou chez moi, c'est un sacrifice à faire. Certes, il est dégoûtant de penser que nous sommes obligés d'inviter chez nous Pépin. C'est le monde renversé. Mais il faut voir le résultat. À ce moment, un coup de sonnette retentit. Le bon à tout faire qui représentait la livrée du docteur lui annonça la visite d'une dame dont il lui remit la carte, Madame Soliman. Au-dessous, inscrit au crayon, le numéro de l'annonce 45614. Milvaux et l'empereur passèrent au salon. Madame Soliman, quand ils entrèrent, paraissait s'intéresser vivement à la collection des gros bouquins illustrés gisant sur la table. C'était de bon augure, pour peu qu'elle fût portée également à admirer des panoplies étincelantes et des flèches empoisonnées. Le système de l'annonce donnait un résultat satisfaisant. Madame Soliman était correctement vêtue d'un costume tailleur qui moulait des formes louables. Elle était plus grande qu'Élisabeth et plus en chair, ce qui, après tout, n'est pas un défaut chez une femme destinée à se partager en 3. Assez belle, elle manquait peut-être de distinction, inconvénient d'une importance secondaire, puisqu'on ne devait pas la produire dans le monde. Ils firent le tour de Madame Soliman, la détaillant avec un soin minutieux et se parlant à mi-voix. « Ton impression ?»« Pas mal. » « Elle te plaît ?»« Assez. » »« Moi aussi. » »« Voilà un premier point réglé. » »« La ressemblance ?»« Suffisante à la rigueur. » »« On ne peut pas exiger le portrait frappant. » »« Mais la brune ?» Et chose était blonde. Ça ne fait rien. Machin nous a toujours dit qu'il aimait les brunes et qu'il avait épousé. Chose non pas parce que, mais quoique blonde. On voit que les deux amis ne prononçaient pas les noms et apportaient à cette affaire délicate toute la réserve qu'on pouvait attendre de leur excellente éducation. Bien que Soliman n'eût pas l'air timide, elle était interloquée, presque inquiète, de cet examen approfondi et de ce colloque mystérieux. Elle s'attendait probablement à être reçue par un monsieur seul, et cette solennité l'étonnait. Sa contenance n'en restait pas moins parfaite. Le docteur la mit enfin à l'aise en l'invitant gracieusement à s'asseoir, et le capitaine entama les pourparlers. « Madame, commença-t-il, je vois que vous avez lu mon annonce. « Ah, c'est de vous qu'il s'agit, monsieur, » répondit-elle avec un sourire agréable qui découvrit des dents magnifiques. « Non, madame. Alors c'est de monsieur. » Et se tournant vers le docteur, elle retira l'empereur le sourire agréable pour l'offrir à Milvaux. « Pas davantage, » fit celui-ci en saluant. « Ah !» Un physionomiste eut lu sans peine sur le visage de Madame Soliman une surprise qui s'accentuait de plus en plus. « Nous nous occupons de remarier un de nos amis qui succombe sous le chagrin. Il a perdu sa femme qu'il adorait. « Pauvre monsieur, je comprends pourquoi vous exigez la ressemblance. Est-ce que je... Oui, à peu près, pour ce qui se voit. » « Mon Dieu, pour le reste, sans me vanter, j'ose rassurer qu'on ne se plaindra pas. Et ce monsieur est riche ? 80 000 francs de rente. Joli. Et il a sans doute quelques petites maladies, une infirmité secrète ? Aucune. Il est encore fort bien et très sain. Ceci dit, pour lui, il nous reste à vous demander, madame, certains renseignements. Vous êtes veuve ? Hélas, oui, messieurs. Mon mari, officier supérieur de l'armée égyptienne, est mort il y a quelques années, mort tragiquement. À la guerre? Non. Il a été mangé par un crocodile, sous mes yeux, entraîné au fond des eaux. C'est épouvantable. Et d'autant plus triste qu'il portait sur lui, justement, tous nos papiers de famille, tous les actes. Ah, diable! Bon, les actes, on peut les reconstituer. Certes, mais difficilement. Dans ces pays-là, l'état civil est si mal tenu. Il serait aisé, sans doute, de suppléer par des témoignages. Oh oui, mon concierge est au courant. C'est un homme posé, très sérieux. Il a le mérite agricole. La maison est bien habitée, il y a un sénateur au 3e. Mon concierge donnera toutes les références et que je paye mon terme exactement. Il connaît mon histoire, par des amis à moi, des gens haut placés. Qui sont ici, à Paris? Non, malheureusement, ils sont partis, très loin. Où ça? On ne sait pas trop. Il voyage toute l'année. Mais mon concierge ? Et vous vivez d'eux ? Nous avions quelques économies. Je ne vous cacherai pas qu'elles s'épuisent peu à peu, de sorte que votre annonce... Permettez-nous de vous poser une question indispensable. N'y a-t-il dans votre existence aucun lien, aucune affection de nature à... Oh, messieurs, pour qui me prenez-vous ? Est-ce que j'aurais osé me présenter si... Du reste, mon concierge... Mais si ma vie est irréprochable, je puis vous assurer cependant que j'ai un tempérament très tendre, car je suis très câline, très caressante et toute disposée à faire le bonheur de l'honnête homme qui... Alors il s'agit réellement d'un mariage, d'un vrai mariage pour de bon ? Absolument. Et puisque vous avez la bonté de nous donner ces détails sur votre caractère aimable, nous désirons traiter avec vous un point délicat. C'est à nous deux, si la chose réussissait, que vous devriez une position magnifique. Vous le reconnaissez. Oui, certes, je vous entends. Je ne serai pas ingrate. Parlons franchement entre alliés. On ne fait rien pour rien, et je sais les usages. Mais je vous ferai observer qu'une femme ne dispose pas d'un capital comme l'homme qui se marie, et que je ne pourrai opérer certains versements que petit à petit, en prélevant sur... Vous n'y êtes pas, chère madame. Et si nous vous demandons une commission... Ce n'est pas sous cette forme. Ah ? Nous souhaitons que, dès la consommation du mariage, vous obteniez de votre mari que nous dînions chez vous, tous deux, le mardi et le dimanche. Ce n'est pas tout, je suppose. Non. Vous êtes charmante, madame, et vous conviendrez qu'à vivre ainsi dans votre intimité, il est indubitable que nous éprouverons certains désirs, une jalousie bien naturelle du bonheur de notre ami. Or, il serait utile... et agréable, qu'il n'y eût pas de jalousie de nous à lui. Vous saisissez. Très bien. Et qu'il nous fût accordé ce que les diplomates appellent le traitement de la nation la plus favorisée. À tous les deux. Mon Dieu, oui, à tous les deux. Le mardi, de 3 à 6, je vous montrerai ma collection d'armes en détail. Et le vendredi, mon ami ici présent vous ferait voir ses... enfin, des choses très curieuses. Autrefois, j'avais le vendredi, mais à cause du mai, non, ça ne nous intéresse pas, du moins pour l'instant. Voilà, le mardi à moi, le vendredi à lui. Pardon ? Ça ira tout seul, j'en réponds. Mais, pour le paiement de cette commission, vous paraissez dire qu'il ne devra s'effectuer qu'après le mariage ? Absolument. Mon ami et moi, nous ne sommes pas des libertins et nous n'avons pas de maîtresse. C'est un foyer qu'il nous faut, avec tout ce qu'il comporte. Et dans les conditions que j'ai l'honneur de vous exposer. Encore une frêle question, si vous le voulez bien. Ce monsieur s'est mal conduit avec vous, et vous avez à vous venger de lui ? Non, bien au contraire. Il nous a reçus en frères pendant 15 ans. Nous sommes désolés de ne plus le voir, et c'est pour entrer dans son intimité. Madame Soliman se leva, et rajustant les plis de sa jupe au moyen de petites tapes savantes. Messieurs, je vous remercie de m'avoir parlé à cœur ouvert. Je vous répondrai de même. Je suis une pauvre femme, qui a un peu roulé, et je n'ai jamais été mariée. J'ai eu des amants pour vivre, et il est probable que j'en aurai encore, mais ce ne sera pas vous. Laissez-moi vous dire avec franchise que je vous considère comme deux sinistres maboules, à moins que vous ne soyez deux vieux cochons. De toute façon, vous me dégoûtez profondément. Je connais le chemin, pas la peine de me reconduire. Elle les salua d'une révérence et sortit, laissant le capitaine et le docteur accablés sous cet anathème. Restés seuls, les deux amis demeurèrent quelque temps muets et songeurs. Le docteur était pâle. Des gouttes perlaient sur son front. « Mon vieux, » dit-il, « le langage un peu cru mais sincère de cette dame Soliman m'a frappé. Elle a posé ce qu'en rhétorique on nomme un dilemme. Arme à deux tranchants, comme ce chrismalet qui est appendu à ta muraille au-dessus du divan. Il me semble que tu n'as rien perdu de la puissance de ton cerveau, car tout à l'heure encore, tu conduisais cette négociation avec art et subtilité et tu employais des expressions choisies, d'ingénieuses métaphores que je suivais très aisément. Je crois donc pouvoir affirmer que nous ne sommes pas de sinistres maboules, mais elle nous attribuait en ce cas une autre qualification dans laquelle le mot « vieux » n'est pas ce qui me touche le plus. Je viens de descendre en moi-même, et je t'avoue que je me sens fort troublé. Il faut bien être tolérant envers soi, sans quoi la vie serait impossible, mais nous devons en même temps nous connaître et aussi tenir compte de l'opinion. Je t'avoue que j'ai toujours considéré notre pauvre Élisabeth comme une parfaite honnête femme. Une femme qui aurait eu 3 maris, tout simplement comme en Orient, les hommes jouissent de plusieurs épouses. Et lorsque je la recevais le mardi, il me semblait remplir avec plaisir, j'en conviens, le devoir conjugal. Elle était pour moi notre femme légitime. Puisque Pépin l'avait épousée, et tu sais bien que nous, qui le connaissions depuis l'enfance, nous n'avons jamais eu l'idée indécente de prendre une de ses maîtresses et de vivre dans le désordre. Et voilà que Mme Soliman, qui représente la voix publique, je dis voix avec un X, juge une conduite de vieux, ce que tu as entendu. Cette femme, d'un mot, nous ravale au rang d'animaux immondes. Serait-elle dans le vrai? Qui se trompe, d'elle ou de nous? Le capitaine, que son passage dans l'armée, même à titre purement platonique, avait doué d'une âme mieux trempée, s'était vite remis de cette alerte. Il s'exprima avec franchise et décision. « Il ne faut pas te frapper ainsi, » répondit-il. « Cette dame sûrement est mal élevée. D'après ses propres aveux, elle n'a pas qualité pour parler au nom de la morale. Les plus honnêtes gens, les magistrats, les académiciens, couchent avec les femmes de leurs amis, et nos premiers parents, au berceau des générations, ont même pratiqué l'inceste sur une vaste échelle, ou tout autre part selon leur appétence. Ils n'en sont pas moins vénérés et proposés un modèle, et je ne vois pas que nous soyons coupables d'avoir, en cette époque dissolue, fait revivre les mœurs patriarcales. Nos 3 patrimoines n'en faisaient qu'un puisque Pépin payait tout, et c'est la fraternité dans l'association. Nous n'avons excité aucune mineure à la débauche. Nous n'avons jamais encouragé de notre argent ou de notre exemple la prostitution vile et hideuse. Nous étions heureux d'un bonheur dont personne n'a souffert. Nous formions une famille, selon la nature, et notre enfant, si Élisabeth n'eût été stérile, eût trouvé dans la vie 3 pères pour le protéger et le chérir, alors que dans d'autres ménages, un seul père ne peut suffire à l'éducation et à l'entretien de 3 enfants. Je connais peu de familles de celles qui vivent selon la morale ou plutôt la routine mondaine, où soient réunis tous ses bienfaits, tous ses avantages. Nous avions su tirer de la société égoïste et hostile, comme les naufragés d'une île peuplée de singes, tout ce qu'elle peut produire de sain et d'agréable, et cette veuve au crocodile eût été mieux inspirée en nous appelant vieux colons, au lieu du terme dont elle s'est servie. Ce qui m'est pénible en cette circonstance, c'est l'effondrement de notre système. Je vois que la publicité trahit nos espérances et j'estime qu'il faut y renoncer. Quand tu m'auras remis les 18 francs que je t'ai réclamés tout à l'heure, cette combinaison aura vécu. À moins que la Providence ne vienne en aide aux 2 braves types que nous sommes, nous ne reverrons plus les beaux jours passés. Nous dirons adieu à l'amour, puisqu'il ne peut exister pour nous en dehors des conditions anciennes, et adieu aussi à Pépin, puisqu'il nous répudie sans avoir égard à ce que nous avons fait pour lui pendant 15 ans. Pauvre Pépin, il est étrange qu'un être qu'on aimait aussi peu puisse nous manquer à ce point. Enfin, il faut s'armer de philosophie et se résigner à cette dernière occupation de l'homme qui a dû vieillir seul. Sur cette parole profonde, ils se séparèrent.